516, activation, oral, verb, avoir. Listen and repeat orally according to the indications in parentheses. You hear. 1. Vous êtes fils unique? You see. Non. 23 frères. You answer. Non. J'ai 23 frères. 2. Pourquoi est-ce qu'il faut donner un prénom aux jeunes gens? Tout le monde a un prénom. 3. Est-ce que Mireille est fille unique? Non, elle a deux sœurs. 4. Est-ce que Marie-Laure est plus âgée que Mireille? Non, elle a 11 ans. 5. Est-ce que les parents de Robert sont riches? Oui, ils ont beaucoup d'argent. 6. Vous voulez parler des complexes de Robert? Non, nous n'avons pas le temps.